Chapitre 2e. Il y a de cela 15 ans, commença-t-elle, tandis que la voiture allait, tantôt lancée à toute vitesse, tantôt arrêtée presque brusquement, mais toujours trop vite à mon gré, puisque sa rapidité me mesurait les confidences de cette belle âme, si vraiment digne de son rang par l'aristocratie de sa sensibilité. Je passais l'hiver à Cannes. La saison était particulièrement brillante à cause de la présence de plusieurs princes étrangers. Mais les habitués de la croisette se plaignaient qu'il y eût trop d'altesse impériale et royale. Jugez du nombre. Le hasard fit qu'à l'un des bals donnés pour une de ces altesses chez Madame de Carlsberg, la femme morganatique de l'archiduc Henri-François, je me trouvai assise à côté d'une jeune femme qui m'intéressa aussitôt particulièrement. Elle était toute jeune, très jolie, et habillée avec une extrême simplicité, presque une pauvreté, qui faisait un contraste saisissant au luxe des toilettes étalées tout autour de nous par les Américaines et les Russes, dont les salons étaient remplis. Cette modestie de sa mise lui donnait un charme de sauvagerie qu'augmentait encore l'expression effarouchée de ses yeux. Visiblement, elle ne connaissait personne dans cette assemblée. Recroquevillée et comme paralysée dans un angle de banquette, elle regardait les danses succéder aux danses, sans qu'aucun des beaux jeunes gens qui allaient venaient parmi les groupes, la fine fleur de Nice et de Monte Carlo, daigna seulement l'inviter à un quadrille. Il y avait dans cette physionomie de 20 ans un mélange ingénu de déception et de tentation, d'ironie et de timidité. L'énervante musique des tziganes lui mettait une fièvre dans les prunelles. On la devinait dévorée du désir, si naturel à son âge, d'être aussi une des heureuses de la fête. En même temps, on la sentait si humble et qu'elle se faisait toute petite dans sa pauvre robe de mousseline pour passer plus inaperçue. Enfin, elle m'intéressa tellement que je me mis à la recherche de Madame de Carlsberg. L'ayant trouvée, je lui demandai qui était cette inconnue et de nous présenter l'une à l'autre. « Avais-je donc si tort tout à l'heure ? » interrompis-je. « Et n'était-ce pas là une charité ?»« Non, » répliqua Madame de Maigret, « une curiosité. C'est presque toujours le contraire. Laissez-moi continuer. » Madame de Carlsberg eut besoin d'interroger le secrétaire de son mari pour répondre à ma question. Je finis par savoir que mon inconnue s'appelait Madame Journeau. Elle était la femme d'un officier de l'escadre et mariée depuis 2 mois à peine. Son mari avait été 8 jours auparavant en service commandé auprès du prince, en l'honneur de qui se donnait la réception du soir. Ce hasard était la cause que sa femme et lui avaient été inscrits sur la liste des invités. Il s'était trouvé souffrant à la dernière minute. Elle était venue seule. J'appris quelques-uns de ces détails par Madame de Carlsberg, les autres par Madame Journeau elle-même, lorsqu'elle m'eut été conduite par notre hôtesse et que j'eus commencé de la faire causer. « Je crois la voir encore, en ce moment, » craint-il d'abord, puis apprivoisé, levant vers moi ses grands yeux bruns, où je pouvais lire la reconnaissance émue d'une petite fille qui a rencontré une protectrice inattendue. Elle s'enhardit. Quelques hommes de ma société viennent me saluer. Je les lui présente. Sa grâce un peu primitive et gauche, que pas un d'eux n'avait remarqué, les séduit. Maintenant qu'elle cause avec une personne de leur monde. On l'invite à danser et on s'aperçoit qu'elle danse à ravir, avec une souplesse exquise. Elle a du succès, elle le sent, elle s'épanouit. À chaque intervalle entre les danses, elle revient auprès de moi, comme pour m'offrir sa joie et son succès, et ce sont des bouts de confidences sur son enfance, passée tout entière à Brignoles, dans une petite ville des montagnes du Var, sur sa vie de couvent à Marseille. Elle en est sortie il n'y a pas 6 mois pour se fiancer. Elle finit par me parler de son mari qui est très bon, me dit-elle, très bon. Elle avait dans le regard, en répétant ces mots, une nuance de mélancolie qui me fit m'intéresser à elle davantage. Tout un roman se dessina devant ma pensée, celui d'une enfant trop fine pour son sort, qui n'a plus ni père ni mère. Elle m'avait dit qu'elle était orpheline, et que des alliés, désireux de s'en débarrasser, marient au plus vite n'importe comment. La seule fausse note de cette soirée fut le rappel d'une grand-mère qui était, me dit-elle, une demoiselle noble avant la Révolution. À son accent, je crus deviner qu'il y avait dans ma petite amie un peu de vanité, mais si enfantine. Je devinai aussi un éveil dangereux de son imagination à ce qu'elle me confia de ses lectures. Elle n'aimait que les romans. Et elle en avait, disait-elle, encore si peu lu. Le croiriez-vous ? Celui dont elle venait d'achever la lecture et dont elle m'entretint avec enthousiasme, C'était cet immoral chef-d'œuvre de l'abbé Prévost, auquel elle devait plus tard, une fois déclassée, emprunter son nom de guerre. « Alors, Manon Lescaut et Madame Journeau, demandai-je, ne sont qu'une seule et même personne, répondit Madame de Maigret Fajac. Écoutez maintenant de quelle touchante et déconcertante manière j'ai appris cette métamorphose de la naïve épouse du petit officier de marine en une des princesses du demi-monde. Très peu de jours après cette soirée, je quittai Cannes précipitamment à cause d'une maladie grave de ma belle-mère, sans avoir vu ma protégée du bal Carlsberg. Elle m'avait dit que le bateau de son mari stationnait à Villefranche. Je ne m'étonnais donc pas qu'elle ne fût pas venue me rendre visite le lendemain. J'avais compté rentrer aussitôt ma belle-mère rétablie. Son indisposition se prolongea. Je ne reparus pas à Cannes de la saison. Les circonstances voulurent que je restasse 3 hivers sans retourner sur la Riviera et sans plus avoir aucune nouvelle de Madame Journeau. Je ne l'oubliais pas cependant, mais en vain avais-je prononcé son nom à des gens qui tenaient à la marine. « Journeau ?» m'avait répondu un amiral. « Journeau ? Attendez donc. Je ne connais que cela. Un excellent officier, il est en Chine. » Et quelqu'un d'autre ? « Journeau ? Attendez donc, il est à Terre-Neuve. « Journeau ? » m'avait dit un troisième interlocuteur. « Je crois bien me rappeler qu'il y a un journeau à Brest. Je me renseignerai. » Chaque fois, j'avais insisté pour savoir quelque chose sur la jeune femme aussi. Personne ne la connaissait. Imaginez donc mon saisissement à retrouver cette trace perdue et de quelle façon. C'était exactement le 4e hiver après celui où avait eu lieu la scène du bal. J'étais à Nice, en visite chez des amis, pour quelques semaines. Un mien cousin que vous avez rencontré, Jacques de Brève, vint me rendre ses devoirs. Il nous avait beaucoup négligés, Monsieur de Maigret Fajac et moi. Ce n'était pas de quoi justifier l'embarras que je constatais en lui dès le début de notre entretien. Tout d'un coup, et comme un homme qui fait un grand effort sur lui-même, « Alice, me dit-il, promettez-moi que vous ne vous offenserez point. Je suis chargé pour vous d'une bien étrange commission. Laquelle ? Interrogeai-je, étonné de son air, même milieu de soupçonner le moindre rapport entre ce préambule gêné et l'ancienne pensionnaire du couvent de Marseille. Encore une fois, insista-t-il, vous me promettez de ne pas vous froisser ? Je vous le promets, fis-je en riant. C'est donc très grave ? Très grave, non, mais si bizarre. Enfin, j'ai eu la sottise d'engager ma parole et je suis de l'avis de cet autre. Il faut tenir sa promesse, même à des voleurs. Et puis, j'ai un peu d'intérêt à savoir si quelqu'un m'a dit la vérité. Vous ne me gronderez pas non plus de ce que je vais vous avouer. J'étais hier à souper avec une très jolie personne qui est connue dans le demi-monde sous le nom de Manon Lescaut. A-t-elle surpris une phrase échangée entre un des convives et moi où je disais que vous étiez à Nice ? S'est-elle renseignée d'une autre façon ? Toujours est-il qu'elle m'a pris à part un moment pour me dire « Vous êtes le cousin de Madame de Maigret Fajac ?»« Oui, » ai-je répondu. « La voyez-vous souvent ? » a-t-elle insisté. « Pas aussi souvent que je le devrais. » Et que je le voudrais, lui ai-je dit. Enfin, vous pouvez la voir. Alors donnez-moi votre parole que vous ferez auprès d'elle une démarche qui ne vous engage en rien, mais qui me sera, moi, un grand bienfait. Mon Dieu, ma cousine, continua Jacques, j'ai eu tort. J'étais faible, j'ai promis. Manon m'a dit alors, je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'étais marié. J'étais reçu dans le monde. Je m'appelais Madame Journeau. C'est un secret que je confie à votre honneur. À cette époque-là, et dans une certaine circonstance, que Madame de Maigret Fajac se rappellera, si vous lui dites mon vrai nom, elle a été bonne pour moi, très bonne. Je ne l'ai jamais remerciée. Je voudrais qu'en souvenir de cette sympathie qu'elle m'a montrée un soir, elle me permit de lui offrir un objet dont je ne peux plus me servir maintenant que je suis devenu ce que je suis. Ce n'est rien de bien précieux. C'est un éventail en ivoire et en point d'Alençon qui me vient de ma grand-mère. Elle sait, je lui en ai parlé. Enfin, demandez-lui, puisqu'elle a eu pitié un soir de la pauvre abandonnée, dans ce bal qu'elle se rappellera, d'accepter et de garder cette relique de ce que j'étais, de ce que je ne serai plus jamais. « Vous avez refusé ce cadeau naturellement, m'écriai-je, et voilà ce que vous vous reprochez en me parlant d'une charité que vous n'avez point faite. Mais il est inouï que M. de Brève ait seulement osé vous transmettre cette commission d'une fille à vous. » Il s'intéresse à elle passionnément déjà, répondit Madame de Maigret. Comme il me l'avait dit, il voulait savoir si elle lui avait menti. L'histoire de la chute de Madame Journaud, que j'ai apprise depuis, avait été très simple. Ravissante comme elle était, coquette, habitant dans le voisinage de Nice et de Monte-Carlo, elle s'était laissée faire la cour par un des innombrables grands seigneurs étrangers qui viennent s'amuser sur la côte de décembre à mai. Elle avait succombé, comme tant d'autres, à l'attrait du luxe. Elle avait été enlevée puis abandonnée. Bref, elle était une femme entretenue à présent, mais qui gardait une nostalgie poignante de son honneur perdu. J'aurais dû le comprendre, et que la folle idée de me faire offrir cet éventail à moi, qui avait été bonne pour elle, signifiait cela. Une supplication de la plaindre, une prière de lui conserver, dans ma mémoire, une place un peu à part. Une affirmation que tout n'était pas mort en elle, et qu'elle valait mieux que sa vie. Je ne compris pas. Je refusai l'éventail, non sans un remords. Il y avait dans cette démarche, faite par l'intermédiaire d'un autre, un appel de la femme à la femme qui, malgré tout, m'avait ému. Pourtant, je refusais. Écoutez la conséquence. Quelques jours plus tard, j'étais à dîner avec mon mari et un ménage ami dans une des salles d'un grand restaurant de Monte-Carlo. Une table avec 6 couverts était préparée à 2 pas de la nôtre. Je vois arriver, accompagné de 2 femmes et de 3 hommes, dont mon cousin de Brève, celle que j'avais connue, Madame Journaud. La petite femme modeste et sauvage qui m'avait tant intéressé au bal Carlsberg était devenue ce que vous devinez. Outrageusement maquillée, l'œil hardi, la bouche provocante, dans une de ces toilettes audacieuses qui sont une affiche. Elle s'assit à sa table, elle regarde autour d'elle, elle me voit. Après tant d'années, je n'ai pas oublié l'impression de malaise que m'infligea son sourire amer. Il passa dans ses prunelles de la haine et du défi, une espèce d'arrogance insultante et une colère à peine contenue. Elle commence tout de suite de parler et de rire si haut que tout le monde se retournait. Je l'entendrais toujours interpeller le garçon qui avait apporté un plat dont elle n'était pas satisfaite. Allez dire au maître d'hôtel que s'il nous sert encore comme cela, Madame Manon Lescaut lui jette le plat par la figure. Ce n'était ni jeté ni figure qu'il y avait dans son texte. Et elle continuait de me regarder fixement. C'était comme si elle m'eût crié par sa voix, par tous ses gestes, par son port de tête. « Vous ne voyez plus en moi qu'une fille. Vous me l'avez fait sentir en me refusant mon pauvre hommage. Eh bien, oui, je suis une fille, et je me conduis comme une fille. » Ce qu'il y avait de particulièrement pénible dans cette attitude, c'était la présence de mon cousin à côté d'elle. Vous savez, hélas, que ce coudoiement du monde et du demi-monde est la règle dans cet abominable caravansérail du vice cosmopolite. J'avais eu la faiblesse de venir là, sous la conduite de M. de Maigret, il est vrai, et parce que l'on a mauvaise grâce à trop faire sentir à ses amis et amies qu'ils ont tort de vivre d'une certaine vie. J'en étais bien puni, par ce voisinage. Mon cousin était partagé, il s'en étant excusé depuis, entre la honte de ce scandale et la passion qu'il commençait de ressentir pour cette créature. Elle n'était pas sa maîtresse. Elle était celle d'un des hommes qui dînait avec eux. La malheureuse s'imaginait-elle qu'en prenant Jacques pour amant, elle me mortifiait? Fût-ce pour flétrir davantage la délicate idée qu'elle avait eue en entraînant dans sa fange avec elle celui qui avait été son messager malheureux, en l'y roulant? Toujours est-il que le soir même, elle rentrait de Monte-Carlo reconduite par Jacques et ayant ouvertement rompu avec l'autre. Le résultat fut un duel au pistolet entre ce garçon et Brève le lendemain où, heureusement, personne ne fut touché, et ce qui est beaucoup moins heureux, une liaison de mon pauvre parent et de cette fille où elle fut systématiquement, obstinément terrible d'exploitation froide. « Eh bien, » continua la comtesse Alice après un silence, « j'ai toujours pensé que si j'avais eu la charité d'accepter ce petit éventail de points d'Alençon, comme Madame Journaud me l'avait offert tout simplement, elle n'aurait pas fait à mon cousin d'abord le mal qu'elle lui a fait, et puis qu'elle ne se le serait pas fait à elle-même. Quand j'ai lu sa mort et l'annonce de sa vente dans les journaux, je me suis procuré le catalogue. Ayant constaté que cet objet s'y trouvait, j'ai voulu l'acheter pour l'avoir toujours là, et me rappeler qu'il ne faut jamais repousser aucun mouvement délicat d'aucune âme. On peut toujours aider les meilleurs à devenir encore meilleurs, et les pires à ne pas devenir pires.